Je longe le bord du précipice, je suis comme tous les mecs d'ici. On aime le risque, on aime tout ce qui brûle. J'ose pas regarder le monde en face, je fais des ronds, je tiens pas en place. Je crois que j'ai pas vraiment compris ce qu'ils me veulent. Je fais que tourner dans mon check, je regarde les nuages qui flottent. J'aimerais vivre au ralenti comme eux. Si je me perds maintenant des pas, je remarcherai dans mes pas. Parfois se perdre, c'est ce qu'on veut. Je longe le bord du précipice, je suis comme tous les mecs d'ici. On aime le risque, on aime tout ce qui brûle. J'ose pas regarder le monde en face, je fais des ronds, je tiens pas en place. Je crois que j'ai pas vraiment compris ce qu'ils me veulent. Je fais que tourner dans mon check, je regarde les nuages qui flottent. J'aimerais vivre au ralenti comme eux. Si je me perds, m'attendais pas, je remarcherai dans mes pas. Parfois se perdre, c'est ce qu'on veut. Ils nous parlent de prolique, de cash et de calache. Ces rappeurs ont grandi au bois d'HM. J'ai passé des notes à gratter des paragraphes. Tant que j'ai pas fini, j'quitte pas ma chaise. Donneur de leçons, mets-toi sur le tech. Moi c'est la rage qui m'a managé. J'ai forcé le destin même si ça devait pas marcher. Complètement ravagé. J'suis dans un Boeing, la terre me sent mal en point. Moi dans les nuages, j'sais pas nager. Salope, j'serai jamais ton Valentin. Père au bord du suicide, maman l'a pas lâché. Cherche le bonheur sans les artifices. Vite comme une daronne qui perd son fils. La mort prévient personne comme un vol à l'arracher. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui offre. J'ai fait un yépi, faudrait que je le coffre. On m'a dit le temps, c'est ton ennemi. Je mets un pressing à mon ops. Mon pilon se consume devant les cops. Je cache mes yeux rouges devant ma mère. Je longe le bord du précipice, je suis comme tous les mecs d'ici. On aime le risque, on aime tout ce qui brûle. J'ose pas regarder le monde en face. Je fais des ronds, je tiens pas en place. Je crois que j'ai pas vraiment compris ce qu'ils me veulent. Je fais que tourner dans mon check, je regarde les nuages qui flottent. J'aimerais vivre au ralenti comme eux.